La communication du porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée, publiée contre les tentatives des États-Unis pour maximiser le degré de sanctions et de pression au niveau international, sous prétexte du lancement expérimental autodéfensif de la fusée balistique intercontinentale de notre République, a été rapportée du 7 au 10 courant dans divers pays. L'agence de presse cubaine Prensa Latina, l'agence de presse TASS, le journal Zabutrin, la revue internet Lemchichi et la page internet Patrioti Moskva de Russie, l'agence de presse Sanan, les journaux Al-Saura, Tishulin et Al-Watan de Syrie, la revue internet Nepal Today, l'agence de presse japonaise Gyodon, le journal égyptien Al-Misri Al-Yaoum, la télévision vénézuélienne, les pages internet de l'Association d'amitié avec la Corée de toute l'Inde et du Comité national d'études des idées du Tutsi du Congo démocratique ont présenté le test intégral ou le résumé de la communication du porte-parole sous les titres comme « La Corée déclare ne mettre en aucun cas sur la table de négociation le nucléaire et la fusée balistique » et « La fusée balistique intercontinentale est un cadeau pour les États-Unis ».